Ami humain, bonjour. L'argent sur votre compte ne vous appartient pas. Protégez-vous. Écoutez. Les hommes politiques sont au service des banques et de la finance. Les lois leur permettent de jouer au casino avec votre argent. La solution à ce problème, la débancarisation. La toute-puissance de la finance. L'argent sur votre compte ne vous appartient pas. Cet argent est la propriété de la banque et elle en fait ce qu'elle veut. Ainsi, le solde sur votre compte n'est qu'une promesse de la banque de vous rembourser, si elle n'est pas en faillite, là est toute la différence. Ceux qui croient que le montant indiqué sur leur compte est stocké dans les coffres de la banque se trompent. Une grande partie est utilisée par la banque pour spéculer et générer, tant que possible, des profits. Bien entendu, il existe des lois pour protéger les clients. Par exemple, la réserve fractionnaire. Il s'agit d'une fraction des dépôts que la banque est tenue de conserver auprès de la banque centrale. La question est de savoir à combien les législateurs ont fixé cette valeur. La réponse va décevoir tous ceux qui croient que les politiques œuvrent dans l'intérêt du peuple. En effet, la valeur est de 1% pour la plupart des dépôts et carrément 0% pour les dépôts dont l'échéance est supérieure à 2 ans. Ainsi, si vous disposez d'un livret d'épargne avec argent bloqué pendant plus de 2 ans, les réserves obligatoires sont de 0%. Il n'y a pas de virgule, la valeur est strictement nulle. C'est écrit à l'article 4 dans le règlement de la Banque Centrale Européenne. Cet exemple illustre bien que les banques ont réussi, au fil du temps, à obtenir des privilèges qu'ils n'auraient jamais dû obtenir. Ainsi, les banques sont maintenant en position de faire chanter les politiques. Il suffit d'écouter ce que dit Frédéric Lordon à ce sujet pour en être convaincu. La solution, la débancarisation. Je crois qu'il est urgent d'informer les gens afin qu'ils se préparent à la prochaine crise financière qui affectera, sans aucun doute, leur vie quotidienne. Voici quelques recommandations pour se protéger de la prédation des financiers. 1. Allez à la banque et retirez une partie de votre argent. De toute façon, ça ne rapporte rien et bientôt vous devrez même payer pour avoir de l'argent en banque, taux négatif. En procédant de cette façon, la banque vous a remboursé l'argent qui vous est dû. La banque pourra effectivement rembourser les premiers clients qui se présenteront au guichet, mais il n'y aura pas assez d'argent pour tout le monde. C'est évident dans un système à réserve fractionnaire. Vous comprenez maintenant peut-être un peu mieux pourquoi les élites veulent se débarrasser absolument de l'argent liquide. À noter que cette solution est envisageable tant que les billets papier ont une valeur, car toutes les monnaies papier ont une valeur intrinsèque de zéro et reviendront inévitablement un jour à cette valeur. L'euro, le dollar subiront le même sort. Donc, ce n'est qu'une possibilité valable à court et moyen terme. 2. Convertissez une partie de vos économies en monnaie sonnante et trébuchante, de l'or et de l'argent physique qui permet d'être propriétaire de son argent sous une forme tangible, palpable. C'est le moment parfait pour convertir une partie de votre épargne en pièces d'or ou pièces d'argent, car les cours sont historiquement bas et le potentiel de croissance est élevé en cas de crise. C'est facile et accessible. Ensuite, il suffit d'être patient et d'attendre le grand feu d'artifice financier qui arrivera un jour. Génial. 3. Ouvrez un compte Bitcoin sur une plateforme d'échange de Bitcoin, il en existe plusieurs. Cette interface vous permet de posséder des Bitcoins, qui est une monnaie virtuelle cryptée. Attention, le solde en euros sur votre compte Bitcoin est géré par une banque traditionnelle, crapuleuse, seul le solde en Bitcoin vous appartient réellement. Le Bitcoin est à utiliser avec parcimonie étant donné les assauts des banques centrales qui n'aiment pas du tout cette monnaie incontrôlable et infalsifiable. Comme l'or, pas de planche à billets possible avec le Bitcoin. Son avenir reste donc incertain, mais le potentiel est intéressant. Ces trois recommandations vous permettront également d'éviter que l'État ne se serve sur votre compte comme cela s'est passé à Chypre. 4. Pour finir, informez-vous sur la débancarisation et procédez à votre rythme. Il y a des tas d'informations disponibles sur Internet, écoutez Martin Prescott et Charles Sanna à ce sujet, deux excellents promoteurs de la débancarisation. https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf 2 http://dailymotion.com/vidéo 3 http://lecontrarien.com. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.